Il y a 50 ans, tout pouvait aller pour le mieux. Je ne dis pas que la guerre, c'est une bonne chose. Bien au contraire, mais on s'en sortait. Il y avait du boulot, des acquis sociaux, il y avait le progrès à cette époque. Mais regarde où on en est aujourd'hui. Ça s'est tellement dégradé, on n'a rien vu venir. On me fait croire que mes conditions de vie s'améliorent, que tout va bien, on se vante d'un modèle de société meilleure. Sinistre agonie, la crise grandit, emballe mes perspectives, les jette aux ordures. Moi je bosse dur ici et on me prend mon argent là. Une minute de joie pour 1439 de soucis là. Sans vaciller, sourciller, je marche sans plier, obligé, sinon ma famille va trinquer. Pourtant je rêve de choses simples, de vivre en homme libre sans cette foutue chape de plomb. Arrêter de dire non à mes gosses pour une histoire de rond et offrir tant à ma femme qui mérite tant. Et pourtant je transpire tous pour mes boulots, sans répit lassé, posté en 3-8 comme de nuit. J'encaisse les pesants, mais je m'adapte et je m'y plie impuissant. Vois ma vie à grand feu se consumer à crédit. Regarde, des lois sont pondues sans demander notre point de vue. Les contraintes prennent le dessus et au final je vis plus. Le citoyen ne participe plus à la vie publique, plus une notion collective de repères politiques. Et dans la pénombre, beaucoup s'accrochent à ce qu'ils peuvent vivre. De rêves froids aux jeux, se laissent aller, ils détruisent, prient, n'ont plus la force de lutter. Dépourvus de volonté, attendent leur dernier souffle en confessant leur dernière volonté. Et je vois qu'à l'heure actuelle, les enfants, ils ont aucun avenir ni rien. Et à cette époque, bon, il y avait quand même de l'avenir pour nos enfants. Aux yeux ou quoi? Un mirage comme en vacances, avec du sable de plage à peine gagné. L'argent file entre les doigts et c'est toujours la même rengaine. Toutes les fins de mois, les grimaces sur ta figure, les factures, l'assurance de voiture, sur l'échec, ta signature, le loyer, l'électricité, le téléphone, la nourriture. Dans ta vie, y'a pas un mois gratuit, ça c'est sûr. Ah vraiment, on vit une drôle d'époque. Doit-on choisir entre le chômage et un boulot de chiottes? Sachant que les deux sont temporaires, sachant que les deux rapportent le même salaire. Pour le premier c'est vrai, tu gagnes ton blé sans fierté. Pour le deuxième, tu vis à durée déterminé, travail précaire, intérim, CES ou CEC. À croire qu'on n'a pas tous la même notion du mot progrès. En plus, on te fait croire que c'est normal, que ces étapes étaient un cursus banal. Et ces pauvres cons avec leurs yeux ronds disent que tu braques quand tu réclames ton droit fondamental, celui du travail. Avec tout ça, vous allez dire rien d'extraordinaire. Pas de cendrillon, pas de prince charmant, pas de milliardaire. Mais y'a que dans notre télé de merde qu'arrivent des histoires fantastiques avec des gens pleins de fric, au visage angélique. Dans notre monde, à nous le réel, y'a pas de super-héros, y'a que des gens qui se lèvent tôt pour aller au boulot. En 68, bon, je m'occupais du syndicat chez Prénat. On a fait 7 semaines de grève, on en a bavé. Bon, moi j'avais des... Comme on travaillait tous les deux dans la même boîte, j'avais des... Comment on appelle ça? Des bons pour la nourriture. Moi j'avais des copains qui avaient 4-5 gosses, nous on n'en avait pas. Qu'est-ce que je faisais? Comme j'avais un peu d'argent de côté à cette époque, j'étais privilégié. Comme on travaillait tous les deux, j'y donnais aux collègues, moi, tout ça. Tu vois, les bons, j'y donnais pour qu'ils bénéficient des pommes de terre, de tout ce que tu voudras. Ça, c'était des trucs, et puis bon, ben... On s'est battu dans nos usines, on s'est battu pour avoir de meilleures conditions de vie. À cette époque, il y avait un mouvement dans tous les pays et c'était suivi par tout le peuple. Mais au fil des années, les forces se sont essoufflées et il y avait de moins en moins de personnes. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être on aurait pu faire bien plus qu'on n'a pas fait. Pour que tout change, pour que tout change. peut encore changer. Parce que le peuple peut être maître de son destin du moment qu'il a la conscience de lui-même et qu'il a la volonté de changer les choses. Il l'a déjà fait dans l'histoire et dans plusieurs pays, et il peut le refaire. Tout peut changer si le peuple découvre et comprend les conditions de son oppression. Tout peut changer si la classe qui produit les richesses, si les travailleurs, prennent conscience que l'on peut arriver à une société équitable uniquement en changeant le mode de production. Parce que les lois qui régissent le système capitaliste, le système dans lequel nous vivons, omniprésent dans le monde, mènent inévitablement aux crises et aux guerres. Marx a découvert ces lois, il les a exposées et expliquées dans son livre intitulé Le Capital. La compréhension des choses ne se donne pas, c'est vrai. Il faut chercher, trouver, mais prendre. Parce que c'est un acte volontaire. C'est difficile, c'est vrai, le passage de l'ignorance au savoir. Parce qu'apprendre, quand on n'y est pas éduqué, c'est très difficile, mais c'est pas impossible. Oui, une société meilleure est possible. Celle dans laquelle nous vivons est le fruit du travail et de l'histoire de nos aînés. Elle a évolué pour devenir ce qu'elle est, et nous avons le droit de penser qu'elle ne fonctionne pas bien. Mais ça ne suffit pas pour pouvoir la changer, c'est vrai. Les perspectives ne tombent pas du ciel. Il faut pouvoir les dresser devant soi, mais seulement après avoir compris dans quelle situation on se trouve. Et pour ça, il faut s'instruire. S'élever à la compréhension de l'histoire dans son ensemble. Comprendre que le capitalisme ne surgit pas de nulle part, que les sociétés ont changé parce que la manière de produire a changé, et que les différentes classes qui se sont appropriées les richesses ont changé aussi au cours de l'histoire. Le monde sera ce que nous déciderons d'en faire. Le monde appartient à ceux qui savent, mais le monde appartiendra à ceux qui sauront.